أين أبوك يا محمد؟ أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت. Daoud, quand t'as dit il y a Mohamed, Mohamed il est devenu Ma'arifa à cause du Ya? Ma'arifa à cause du Ya? Du Ya, du Ya. Non? Pas du A. Ouais, il est tout le temps Ma'arifa. Ouais. Mais cause du Yawaladou par exemple. Yawaladou? Ouais, il y a une vingtaine de frères, de petits, je fais Yawaladou, Ta'al. Ouais, mais il est Ma'arifa ou Waladou? Hein? Waladou, il est Ma'arifa. À la base, il est Nakira, Waladoun. Waladoun, non? Voilà, mais quand j'ai dit Yawaladou, il est devenu Ma'arifa. C'est-à-dire? Et à cause de ça, il est devenu précis. Et le, avec Ya Mohamed, c'est-à-dire un taïf, c'est-à-dire même si on fait rentrer le Ya, il est toujours Ma'arifa. Au suivant. Aïna Oumouka. Aïna, attends, je vois, je me rate. Aïna Oumouka, très bien. Aïni Aïta Fi. Hiya Aïdan. Hiya, Hiya. Hiya. Aïdan. Aïdan Fi Al-Kuwait. Al-Kuwait. Mara Al. Répète ce que je te dis comme ça, tu te corriges. Al-Kuwait. Kuwait, Kuwait. Kuwait. Ma'a Abi. Ma'a Abi. C'est-à-dire le Kuwait, c'est le pays. Hein? Wa hiya. Hiya. Mudarrisatu. Hiya mudarrisatun. Hunaka. Hunaka. Hiya mudarrisatun hunak. Au suivant. Azabtahillah. Il a le Kuwait. Kuwait. Il n'a pas le Kuwait. Il n'y a pas de mime. Il a le Kuwait. Le Kuwait, le pays que tout le monde connaît, le Kuwait. Il a le Kuwait. Voilà. Il a le Kuwait. Ya Hamadou. Ya Muhammadou. Ya Muhammadou. Non. A dhahabta ila le Kuwait, ya Muhammad. Naam, dhahabatou. La. Naam, dhahabtou. Il y a un soukou, non? C'est une erreur, alors. Corrigé. Naam dahabtu. Ça n'existe pas des verbes comme ça. Dahabatu. Dahabata. Dahabtu. C'est une nouvelle édition, ça, c'est pour ça. Dahabtu. Sur le bas, vous mettez un sukun. Vas-y. Wazamiluka aina abuhu. Naam, wazamiluka aina abuhu. Abuhu fil yaban. هو تاجر كبير. هل لك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد. لا واحد. واحد. اسمه أسامة. نعم لي أخ واحد اسمه أسامة. وهو معي هنا في المدينة. في المدينة هو معي هنا في المدينة. المنورة ولي أخت لا أستبيع ولي أخت واحدة واحدة اسمها سي تو تغات ولي أخت واحدة اسمها زينب تو في لاليزون واحدة اسمها زينب زينب زينب وهي في العراق مع زوجها وزوجها مهندس. très bien. وهي في العراق مع زوجها وزوجها مهندس. عندك سيارة سيارة يا أخي. عندك يا. عندك. عندك سيارة يا أخي. très bien. عندك سيارة يا أخي. لا ما عندي سيارة. عندي دراجة. دراجة. دراجة. حمزة عنده سيارة. نعم. لا ما عندي سيارة. توا. عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. تي مو با كومبري لا دون تيكست؟ نعم. معي. معي اسباغي ومعي. طيب. سي سي الياء المضاف. المضاف الى الياء المتكلم. طيب. سي كوا؟ الفتاة زميلي. الفتاة سي لانفون لادوليسون. طيب. دون لا لين كوم سا تول مون تروف. ومن هذا الفتاة الذي معك؟ نا سادير لا بيرسون كي لي. سي حامدون. سي حامدون. سي فار لو فو لو. سي اون ميليو. سي با ايفيدون.